FM jusqu'au bout du monde. Moi, David Kofi, étudiant en ressources humaines et communication. Je m'engage envers tout être vivant à guérir mes relations avec les autres et à vivre dans l'amour, l'harmonie avec ma famille, mes amis, mes voisins et mes collègues de travail. J'en tiendrai des pensées de paix. Et lorsque je me surprendrai à avoir de la haine dans le cœur, je cesserai mon activité et j'attendrai jusqu'à ce que la paix me revienne. Je sais que c'est en se guérissant moi-même que je peux guérir le monde. BKFM jusqu'au bout du monde. BKFM jusqu'au bout du monde. BKFM jusqu'au bout du monde. Pendant 15 ans, cette voix nous a bercés. Elle nous a fait vibrer et aussi danser. Malheureusement, le lundi 12 au dernier, elle s'est moins allée. Didier Arafat, le Berusama, Sao Tao le dictateur, l'Apache, l'homme aux portes inestimables et incommensurables s'en est allé. Tout le monde en parle et personne ne peut rester insensible. Bouaké, la capitale du Bénin, ne saurait rester en marge de ce grand événement. On décide alors de rendre un hommage à la hauteur de l'illustre disparu, à son œuvre, mais surtout à ce qui constitue dans l'univers musical ivoirien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Gbeke Event. Je suis Pierron Tirelli à la présentation. Actualité oblige, nous sommes obligés encore une fois de faire une halte à l'actualité culturelle du moment. Hommage à Didier Arafat. Et pour en parler, on se retrouve avec Didier Mas, le sniper, juste après ceci. DJ Mas, le sniper, bonsoir et bienvenue à Gbeke Event. Comment vous allez? On ne peut pas aller super bien quand on a perdu le Berusama, mais on fait l'effort d'être à la hauteur des attentes. Alors, je disais donc, DJ Mas, le sniper, vous êtes ici pour nous parler d'un hommage au Berusama, à Didier Arafat. De quoi s'agit-il? Voilà, il s'agit purement simplement d'inviter toute la population du Bénin, et surtout les fans de l'artiste Arafat, à se déplacer à venir demain le 30 vendredi, à partir de 16h, nous allons lancer, j'ai concrètement dit les choses. Donc, nous invitons les Chinois et les Chinoises à venir demain à la promenade, pour communier ensemble avec le décès de notre illustre artiste, le prophète de la musique, Arafat. Un hommage à son honneur demain à la promenade. Donc, à la promenade de la paix de Bouaké, demain à 16h, voilà, aura lieu ce grand hommage à Arafat. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cette cérémonie d'hommage? Bon, pour cette cérémonie d'hommage, demain, on va démarrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 16h. Et vous aurez au programme, un programme vraiment consistant avec des concerts live du groupe Harmonie Groove avec son orchestre au grand complet qui vont venir interpréter les différentes musiques de l'artiste Arafat. On dira même les tubes de l'artiste parce qu'en 15 ans de carrière, Arafat n'a sorti que des tubes. Hein. Des tubes, voilà. Donc ensuite de cela, vous aurez des prestations d'artistes qui vont venir un peu de partout, qui vont venir nous égayer pendant tout le long de cette soirée. Et à l'issue, la promenade organise des jeux, le meilleur sosie d'Arafat et le meilleur interprète de l'artiste Arafat. Et à l'issue de ça, nous ouvrons encore pour permettre aux Chinois de se relaxer avec un maquis géant qui sera à l'honneur à l'endroit de tous les Chinois, les fans de l'artiste. Alors, Didier Mas, vous avez dit, et le clou de cette cérémonie d'hommage au Berusama sera bien évidemment la transmission en direct sur les antennes de la télévision ivoirienne de l'hommage en direct du stade Félix Houphouët Boigny. En direct sur la décrochée. Confirmer à l'ensemble de nos web auditeurs qu'ils verront en direct de la promenade de Bouaké la cérémonie d'hommage au Berusama. Voilà, il y aura une transmission, une retransmission en direct depuis le stade Félix Ifo-Boigny. Tout ce qui va se passer concrètement dit aux cérémonies d'hommage, à la cérémonie officielle, tout sera en direct à la place de la paix, la promenade. Demain, c'est les écrans géants de la promenade. Digema s'entend allègrement vers la fin de ce temps d'antenne. Un dernier mot à l'ensemble des Chinoises et des Chinois de Boaké qui ne pourront effectuer le déplacement du stade Ifo-Boigny demain. Voilà, déjà, nous invitons les populations de Boaké et la région du Boaké à venir massivement demain du côté de la promenade. Ça se passe demain vendredi 30 à partir. Toi, tu es un fanatique du coupé décalé. Toi, tu es un fanat de l'artiste. Toi, tu es Emir Borussama. Toi, tu es Emir Arafat Ledaï. Demain, on t'invite à venir à la promenade pour venir faire encore un dernier adieu à ton artiste et à notre artiste également. Donc, je demande à toute la population de Boaké de venir comme un seul homme demain à partir des 16h à la promenade. Voilà. Digemas, merci. On rappelle donc que demain, vendredi 30 août 2010, à partir de 16h à la promenade de la paix de Boaké aura lieu un grand hommage au Taïchikan Digi Arafat. Exactement. Arraché à notre affection le 12 août dernier. Voilà. Vous êtes jeune, vous êtes une personne d'un certain âge, vous avez aimé l'homme, vous avez surtout aimé sa musique, vous êtes invité demain à partir de 16h parce que, comme on le dit, l'artiste ne meurt jamais et il reste à jamais gravé dans notre cœur. Le Daishikan restera et demeurera ce grand nom de la musique ivoirienne. Exactement. À toutes et à tous, rendez-vous pour demain. Au revoir. Merci beaucoup, mon frère. Kobe assurait la mise en onde de cette émission. Pyrone Cyril était à la présentation. Bonne suite de programme sur BKFM à travers le pays. Au revoir. Ok, merci BKFM. Tu chantes le nom, tu vas chanter le nom des gens jusqu'à la fin. Tu ne composes plus de textes, tu ne fais que chanter le nom des gens. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Le coupé décalé n'est pas soudé, c'est la guerre de gâter le nom de ton camarade. On peut pas prendre l'exemple sur les Zouglouman qui sont sous.